l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 9 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Ah, un 9 janvier qui a fait beaucoup de bruit, celui de 1934, le jour où on a retrouvé mort dans son chalet Alexandre Stavisky, qu'on appelait le beau Sacha. Il s'est suicidé, semble-t-il. Pourquoi dites-vous « semble-t-il » ? Bah, parce que tout de suite, cette mort a posé des questions. Cet Alexandre Stavisky est un escroc, un financier mouillé dans des affaires de trafic d'influence avec toutes sortes de politiciens, notamment une grosse arnaque montée avec la complicité du député-maire de Bayonne. À l'époque, il est recherché par la police. Or, au moment où la police le retrouve, il se suicide, ce qui, vous vous en doutez, arrange beaucoup de monde et de beau monde. Stavisky ne parlera pas, il n'impliquera pas de nouveaux responsables. Du reste, si vous y regardez de plus près, il y a des éléments qui ne collent pas. Le Canard Enchaîné, d'ailleurs, titre « Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres ah. ». C'est que c'est que d'avoir le bras long, avait dit le Canard Enchaîné. Alors vous me direz, c'est une affaire comme tant d'autres. Oui, sauf qu'à l'époque, le climat est délétère sur fond de crise économique, politique. C'est le règne, vous savez, de l'instabilité parlementaire inhérente au régime de la Troisième République. Et surtout, Stavisky est un juif d'origine russe. Les ligues antisémites vont s'en donner à cœur joie et vont attaquer la politique de naturalisation des différents gouvernements. C'est donc un déclencheur. Oui, un prétexte pour lancer un mouvement anti-gouvernemental. Les ligues manifestent avec violence, le gouvernement tombe et le 6 février, je vous ai dit qu'on était en 1934, hein, le 6 février, Édouard Daladier, président du Conseil, va présenter un nouveau gouvernement et pendant ce temps une manifestation place de la Concorde va beaucoup dégénérer, la police tire, on comptera 17 morts, des milliers de blessés, Daladier démissionne et 2 ans plus tard ce sera la victoire du Front Populaire avec Léon Blum à sa tête, mais enfin ça nous entraîne déjà ailleurs. Franck, on vous retrouve tout à l'heure 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée aux missions au Japon de Saint-François-Xavier.